ya mucina na bwana Yesu Kristo. Et nous vous invitons de se mettre debout. Et chacun de nous doit prier. Et après on va lire la parole de Dieu. Prions. Notre bien-aimé Père Céleste, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous te disons encore merci ce soir. Bénis-nous encore ce soir. Pardonne nos péchés. Guérissez nos malades. Tous les esprits malins, nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Nous voulons lire ta parole, Seigneur. Bénis la parole de ce soir. Accorde-nous la foi et la révélation. Et l'obéissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous prenons toujours notre écriture. Matthieu chapitre 24. On peut prendre même au verset 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne les passerez pas. Que le Seigneur bénisse cette écriture. Balingami kati na nkolo. Bapendwa katikati ya Bwana. Lelo tukotia point virgule au courant de la semaine. Leo katiri ya ijuma tutaweka mkato. Na au Saint-Esprit au tiko le belabiso d'être prêt. Na hii Roho Mtakatifu anatokea mkutuonesha tuwe tayari. Nous devons être prêts. Tunapasha kuwa tayari. Pourquoi? Jia nini? Le Seigneur viendra comme un voleur. Bwana atakuwa kama mwizi. Et nous l'avons lu à un Thessalonicien. Na tulisoma mwa Thessalonika wa kwanza. Paul exhortait les Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5. Écoutez. Au premier verset, dit ceci. Pour ce qui est du temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive. Et Totangaki, frère Branham Palobina, le départ secret soudain de l'église. Bien aimé, il faut tomber la voix. Hein? Il faut tomber la voix. On a eu canino zolo bakuna. Comme la voix, il faut bimis sa voix. Il n'a pas chaque saouti tok. Totangaki, na paragraphe 100. Tourisoma en paragraphe 100. 19. 119. Donc, paragraphe 19. Ah, mon paragraphe 19. Écoutez ce que l'homme de Dieu dit. Je kiene kile muto mungu. Les gens vivent aujourd'hui comme ici. Bantu leo, bebo naishi sa. Juste avant la venue du Seigneur Jésus. Bele ya Bwana kuja. Il allait envoyer une cortège d'ange à tout. Une cortège d'ange. Et tous les journaux et que yote, pendant environ une année, na kadiri ya mwaka mushima, on annoncera cela dans les journaux à travers le monde entier. Batanza kutangaza ile mambo mu magazeti duniani mushima. Déjà à telle date, Jésus viendra. Asema sa, usiku fulani, Yesu atakuja. Et ce sera divisé à radio, na bateonesha mu radio et à la télévision, na kuma television, et partout. Na fashi yote. On indiqua les jours précis et l'heure exacte où il viendra. Mukonyesha shiku na saa yenyewe ile atakuia. Écoutez ce que dit frère Branham. Sasa shikie ndugu. Maintenant, sasa. C'est ainsi que les gens vivent aujourd'hui. Je vivi bantu leo bebo naishi. Donc bato balingi ke. C'est-à-dire bantu bebo napenda. Koya ya Yesu mbaloweza la ndenge bato aliboso babanda ko kanisa. Hii makuya kwa Yesu kwa hii mara. Bana waze sema inapashi kuya paka sasa vile bantu bazamani. Yotala mbala aliboso tangwa yaki. Juu zamani pale alikuya kama la kwanza. Bato baba meki kotea yango. Bantu barianza kushiki kufuata kama ile maubiri. Il y avait des enseignants qui enseignaient cela. Ulikuwa ba mafumba kufundisha. Mais quand il mais lakini arizarika wakati les mêmes gens qui enseignent. Bale ba mwa barianza kufundisha. Les mêmes qui écoutent cet enseignement. Bale ba mwa barianza kushiki ile mafundisho. N'a pas compris que le Messie est né. Aba kuelewa sema Masia. Alléluia. Amen. Mais il y avait trois manches. Lakini kulikuwa ba mafumba. Alléluia. Mule mungu asubuhi. Et ne cherchez pas la date et l'heure. Et ne cherchez pas la date et l'heure. Mais il regardait les signes. Le problème de date et l'heure, comment on peut changer le système de ce monde, ma système ya ça va déranger les gens qui attendent le retour du Seigneur. Il mais il y a des signes, même alam. On peut changer la situation, le signe indiquera que Jésus il est dans la porte. Lakini alama yo, alléluia! Yesu wa kumulango. C'est pour ça Bazaki suna Jérusalem était. Côté Bazalaki na Oria. Barinda kuluku barkuasubui. C'est là qu'on vit les signes que le Messie est né. Bario na sema kuku alama. Et Bazali voyage il y a 10 ans. Na barifanya safari ya miaka 2. Bazalaki convaincu. Barikuwa tu na hakikisho. Que signe est correcté. Ya kusema hii alama aita kama. Motako gaki kolomo la bango ya mote. Mambo ile alikuwa na batosha kwa hiyo. Kwa signe ne lo baki ke. Kwa sababu ile alama. Soki ba moni yango. Ilikuwa kama unebaona. Le Messie ne. Masia na zaidi. Haleluya. Amina. Mes frères et sœurs. Bantu kuna badati. C'est dans sa première venue. Ni mukuja kwa hiyo kwanza. Et dans la seconde venue. Na mukuja kwa pili. Il viendra prendre l'église. Atawa kubeba kanisa. Yako ya na mabelete, mais il sera au ciel. Et avant cet événement-là, nous n'avons pas besoin de l'air et la date. Mais il y a des signes qui nous indiquent que bientôt l'événement va aller. Alléluia. Amen. Mais ce qui m'étonne, vous voyez les signes apparaissent. Quel est le présent de votre âme? Pourtant, vous mangez un signe. Vous voyez un signe. C'était un. Parce que Dieu n'utilise pas un groupe. Dieu utilise un individu. Et cet individu peut communiquer les autres. Moka monaki. Cette étoile là, le Messie. Il va l'appeler son âme. Mon cher, venez. Tu connais la loi, non? Tu connais ce que dit les Écritures? Pour le retour du Seigneur? Pour la naissance du Messie? Le roi des Juifs? Oui. Regardez d'abord cet état. Et quand il a regardé, il dit c'est la vérité. Il est né. Mais il y a les autres qui ont regardé. Il dit non, ça c'est les états comme les états. Mais pour ces déjà-là, cet signe les a confirmés. Alléluia. Amen. On a appelé l'autre. On avait appelé beaucoup. Mais parmi les tout, il y avait trois qui étaient convaincus et concernés que le roi des Juifs, il est né. Et qu'est-ce qu'on fait? Avant de voir cet homme, il y avait la préparation. Il doit préparer le voyage. C'est pas ça? Quand tu vois le signe, deuxième chose, pour aller adorer cet roi-là, il faut la préparation. C'est la même chose que nous sommes. Quand les signes, nous les voyons, nous devons se préparer. Est-ce que toi tu es préparé? Comment tu es préparé? Tu n'es pas même être baptisé. Mais même na mai penjo ya pamba ozina baptême. Mais yes. Mwana nzam. A sala mabete. Yes, kufanya kata mabaye. Mes frères na lobi malem ozoyo gagate. Na lo bambango na za vitesse. Il faut l'andela nga bien pour yondo zo communiquer. Alléluia. Amen. Même quand nous lisons les Écritures, toi, interprète, tu ne peux pas lire. toi tu vas interpréter ce qui sort dans la bouche des prédicateurs. Quand vous commencez à lire la traduction que tu as là, ce n'est pas la traduction que j'ai. Tu seras mouillé. Alléluia. Amen. Bien aimé. Mapendo. Yesu mwana ya Nzambe. Yesu mwana wa Mungu. Asumukate. Yes, kutenda. Asala mabete. Yes, kufanya tamba. Ni ababa nda pabondela. Ye, anza kutakuwa kuwa. Ababa nda kubondela. Mbele ya ye kwa sata kuomba. Abandaki na batemu. Arianzeka mbele na batizo. Yozo abondelo, sezo abatemu. Sasa wewe kunaomba, wewe anza sata kubatizi. Yoku toza ne pecher. Sasa wewe nchoku. Meni ne pa ne pecher. Ye, ashukuzali. Ne ile deveni pecher putua. Lakini ye, anakuya zambi juu yako. Tane ngozo sekanangu. Sasa angarafi loko na chema. Eba lobi mbala boni yozo abatemu. Panakoneza semo. Uko yoko zo sabablaki. Eso kufi. Sasa kama unakufu. Tu seras prêt parmi ceux qui seront ressuscités. Utakuwa karibu katikati ya wale watafufuka. Yesu ayaka ye moko. Yesu alikuwa ye moya. Babenda yete. Meyo paza bate mifamba benga. Yaka. Yaka. Bazombo ndelo pa napi. Beko na kulusi njuu ya maisha yako. Utanga kate. Wa ushiki au ya pataka. Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira la bonne nouvelle et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mais yo yo ki. Obeko za bate. Tu es condamné. Mais moto ya nimi. Sasa talanengo za sekana vile. Sasa angara. Soyez prêt. Uwe tayari. Qui est prêt? C'est celui qui confesse ses péchés. Celui qui écoute la son de la trompette. Il est baptisé conformément à la parole. Na anabatizwa kufuatana na neno. Bozawe bele soki to tuni banani baza batem. Boza batem. Muko ba mingi hapa kama tunauliza sema ni banani ya bayapata bana. Talanengo za sekana. Oza sekana na vile. Angara filo kunacheza na maisha yako. Usali 4 ans na message. Unafanya miaka 4 mjumbe. Ozoka batemi. Au yapataka tabu mbatizo. Ozolu ka sorcier. Mais c'est toi qui es le sorcier. Mbona tafuta mloji? Ni wewe ndio mwenye mloji. Qui a fait cela dans la Bible? Ni nani alifanya vile mbiblia? Le jour de Pentecôte. Siku ya Pentecôte. Bata basala kama be. Bale barifanya. Ba yaki kota la Pentecôte. Bari kuyaka kuangalia. Pierre atei. Atei. Petro anahubiri. Bato wale bise ne papos. Bana sema pana iwe zika. Do biso tombo mima siya. Sema shijo turimuwa. Bo sikoyo. Toko sala nini. Sasa tutafanya nini. Alobi repentive. Anasema mutubu. Eza kana makamu msute tosa. Ka repentance. Aina mambo ingina sema ni paka kutubu. Basai repentance. Bana sema mutubu. Convertisez vous. Et chacun de vous. Soit baptisé. Au nom de Jésus Christ. Abatiziwe mujina la Yesu Kristo. Pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. C'est une promesse pour vous, pour vos enfants, et à tout ce que le Seigneur notre Dieu l'appellera. Comme ce soir, si Dieu appelle, c'est la même promesse. Alléluia! Amen. Le même jour, 3000 personnes ont cré. Yo, yo, Kimbabo. Ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, merci. Accepte. Omonde ko so sekana magamanja. Unaona vile uko nacheza na mambo ya Mungu. Omonde. Unaona? Omesani na evangeli. Unazobeleana na injili. Yoga nisi nengo pesa ba ofrand. Wewe unaweza sipa ndo unaleta sadaka. Kufuta dini. Unaenda kuleta dini. Ni ondimi na ujesite. Na amani Yesu. Uingari mupagano. Tu dois croire. Unapasha kuamini. C'est obligatoire. Ni ya mapasha. Parce que Dieu tant aimé le monde. Kwa sababu Mungu alipenda. Il a envoyé son fils unique. Quiconque croit. Quiconque croit ne périsse jamais. Mais ayez la vie éternelle. Na awe na uzima wa milele. Et qui croit au fils de Dieu. Sasa ula na mimi. Mais c'est celui qui est baptisé. Chini ula na batiziwa. Et si tu n'es pas baptisé, tu ne crois pas. Mon frère, nana ni ma message. Est-ce que tu es baptisé? Est-ce que je suis baptisé? Amen. Amen. Toko ki jamais kotonganda. Atuwezi kuyenga kama nyumba. Sato bana na fondation. Bila kwanza na misingi. Pierre komi na ndako. Petro anakufika kunyumba. Ya empire. Ya mpagano moya. Santinye Rome. Santinye Rome. Bayo kini loba ya banzambe banashikia sauti ya Mungu tangwa ba yogiri wa banzambe wakati banashikia sauti ya Mungu sante kiti Roho Mtakatifu anashuka yoko maloba Pierre shikia maneno semo ya Petro comment je peux refuser baptiser les gens qui ont reçu le Saint-Esprit mita katala kubatiza je bantu baripokea Roho Mtakatifu laia la parole de vérité de sang pale peko neno le Saint-Esprit de sang pour confirmer sa parole Roho Mtakatifu anashuka njoo kukuhakikisha neno la Mungu depuis que toi tu écoutes cette parole même pas avec moi mais avec les autres. Est-ce que le Saint-Esprit n'a pas bougé ton cœur? Atana bantu bengine. Roho Mtakatifu yatengeseka moyo wako. Et Pierre a baptisé ba moyo. Na Pierre alibabatiza bote. Na acte 19. Na acte 19. Il y avait les gens qui ont été baptisés dans le baptême de Jean. Kuko bantu baribatizi wako mubatizo ya Jean. Tamba bakutani na Paul. Wakati barikutana Paul alobi. Paul anasema. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et quand vous avez crié. Alléluia. Roho Mtakatifu wakati mliamini. Tapasala mase kite. Hapana kufanya mizaa. Shoko kufio kwa yema. Kama unakufa utajua. Yoko bika shika na makamwanzani. Uona nsa kucheza na mchimimu. Badika baza kwa se prepare. Bengine baza. Yuzako se prepare te. Lelo vanda preparation. Sasa leo. Alleluia. Alleluia. Amen. Batuni yoka bato balingi kubika. Banakuliza ni banani mwashe. Kukona. Tuwe mite sante suya ngeza nini. Atuye, ata enye Roho Mtakatifu ingia tuye nini. Bino na lelo bozaba ndimi wewe kasante suya. Tuwe mite. Tuwe mite. Tuwe mite. Tuwe mite. Azane grizi. Aibu itirite ya sante suite. Ani yu asia Roho Mtakatifu nikalaka kama ingitangu ya kwa mkanisa. Azu sala makambo ya lingi. Yeko nafambi yote bila napendi. O le sante suite. Japo Roho Mtakatifu. Mais c'est votre silence. Le Saint-Esprit. Mais c'est le son de Dieu. Le Saint-Esprit. Mais c'est Dieu en toi. Le Saint-Esprit. C'est préparer le voyage. Mais Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui l'obéissent. Mais recevoir le baptême. Mais c'est obéir la parole de Dieu. Si tu n'obéis pas, tu n'auras jamais le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit à Jean, ne m'empêche pas d'être baptisé. Laissez-moi être baptisé pour accomplir toute la justice. Et Jean n'a pas résisté. Parce que Jésus l'a ramené dans les Écritures. Alléluia. Amen. Frère, Duku, sœur, Dada, Keba, Sopoko. Kosa la fiere na makamwanzani. Hapana kufanya fiere na mwana ya nzamu. Mtoto wa Mungu. Babatiza na Jean-Baptiste. Bari mubatiza kuko yeone mbatizaji. Asala lisumuti. Yeye ashukutende hata zambi. Mbona kokokisa nyonso ya boyenge. Lakini njoo kutende. Ne yoza mosu. Sasa wewe kwa sembo la ma, oza la justifier. Ifundi mbele ya Yesu Kristo. Opa na mai. Inapaswa kumwamini Yesu. Metala ba blague zo sala. Sasa angalia mizao huko nafanya. Atuni bango bozwa ki bateme nini? Anebauliza mupata ubatizo. Bisho tuzaka bateme ajalo. Omoni bateme ya Jean. Unaona ubatizo ya bateme moko. Ezaki kome mabino na repentance. Eko ki kopesa bateme ni sante suite. Il fallait bon dimela. Oya yaki na simana ye. Sa veli Jésus Christ. Omoso bon dimeli ye. Bozwi di bati si na kondima ye. Unapata ubatizo. Ye promesa sante suite zaki. Aleluya. Ne yo zana. Uzana bateme ya katoliki. Epesaka Saint-Esprit. Bateme ya bagroupe de réveil. Epesaka Saint-Esprit. Parce que là-bas, il y a que l'hybridation. Dieu ne peut pas confirmer l'hybridation. Même Jésus n'a pas encore Zabar Jésus. Ce n'est pas le vrai Jésus. Yahweh au caca. Kuna Shabara Shike bebebebe. Ara Kabara tatatata. Et Shabara, bien du mot Baal. Baal. Ce sont les démons de mon carnet. Il est ma démon ya Kukarmel. Banoza batel kindume zo si la terre moyi bezo si la terre le toute zo si la terre le fou ne zo si la terre tribalisme zo si la terre comment tu es délivré sasa una ça c'est la préparation soyez préparés ce soir alléluia amen tango ba yokibwe même jour ba biski tate aba kubishani 19 bazaki 12 personnes bari kwa bantu 12 bari batema kala ekei banasema mkumbi batizo kama ni leo ya bien tubebe sasa ya bien bari kwa sa batema banabeba batizo au nom de Jésus Christ saint esprit qui Roho Mtakatifu inashuka totanga siko frère Branham sasa tusome ndugu Branham amen amen nalite yoyo il prend soin de vous. Pasteur associé, nani a kokiko lo balokola lomumba o? Nani anezu kusoma kumbi? Kipe parle comme lomumba parmi vous. Nani anezu kusoma kumbi? Eh? Tia honte? Nashikia ya. C'est vous qui voulez prêcher non? Si moi je m'appelle Kobir. Tu vois? Non. Frère, nani na kote ya? Oh, mimi tao. Oh, ni satote ya kana fiere. Oh, nani satu na ubiria kana fiere ya? Prenez ça. Bebe ni. Da, il prend soin de vous. Il prend soin de vous. Nous prenons paragraphe 31 et 32. Joie rapide, frère, ton temps à l'élo. Le nom n'a aucun chapeau. Dimanche, il n'a pas suivi nos revoirs. Ah, que dimanche, il y a un miracle. Qui dit ça? Il souche. Frère, il y a un moyen pour vous de pouvoir recevoir le rêve. Il y a un moyen pour vous de pouvoir recevoir le réveil. Donnez-moi. Moi, je ne suis pas diplômé, mais écoutez. Amen. Amen. Il n'y a qu'un moyen pour vous de pouvoir recevoir ce merveilleux consolateur. Consolateur. C'est en croyant au Seigneur Jésus-Christ, en confessant vos péchés et en vous baptisant du baptême chrétien. Amen. Amen. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent. Bon, yo ba mari de nuit yo monac. Sasa bale ba mari de nuit. Na ba demo yo monac. Na bale ba demo yo. Bon, yo zaliao. Sasa we. Ange a batte la kayo. Malaika yeye. Azala kawa. Ula na kuchunga kia na ikalaka wa. Elingi koloba ke banda yo ndimo zaka na ange te. Ina kupenda kuonesha sema we tangu ya mimi na ikale na malaika. Oh, moto sabi kisami. Njami va pesa ye gardien ange. Kama mtu ana. L'ange de l'éternel. Mungu anapasa kwa malaika. C'est l'éternel lui-même. Malaika wa milele ni wa milele ye moyo. Yango la Bible dit, jo, Bible si quelqu'un est en Christ, kama mtu yuko ndani, il est devenu nouvelle créature. Anakuya, les choses anciennes doivent passer. Toutes les choses doivent devenir nouvelles. Bintu biote bia sal, le péché doit passer. Zambi, la malédiction doit passer. Lane, le lien hérédité doit passer. Ile le mauvais songe doit passer. La malédiction doit passer. Il est béni, il est protégé sous le sang de l'agneau. Et la Bible dit, toutes les armes forgeront contre vous sera sans effet. On vous combattra, on vous vaincra jamais. La malédiction, une malédiction sans cause sera sans effet. Il y a des gens qui sont là. Il est dans l'eau, mais il n'était pas sauvé. N'allez pas d'abord dans de l'eau sans être sauvé, parce que l'eau ne sauve pas, mais c'est la foi de Golgotha qui sauve. Et celui qui doit croire doit regretter sa vie. Et il y a des gens qui sont baptisés qui n'ont pas été repentis. Commencez par la repentance. La repentance, c'est regretter ce que tu as fait, changer la direction. Dirige mwendo. Mais comment toi tu as repenti? Sasa wewe uribe. Tu commences à faire les mêmes choses que tu as fait. Mais unaanza kufanya paka bintu bimoya bimoya bila rasofanya. Le frère interprète correctement. Amen. Amen. Oyibaki biloko ya bato. Uribaka bintu ya benye. balingiba bomolo bite na yeba kite reconnaître ko ibi tunasema tunatambua sio riba ifo regreter inapasha uzuniki balimbishi bana kurumia bamona ali susu oyete riba ka biloko unakuwa tena kuiba kwa sababu mtana golimishi utapata tena usamee. Mais moto a sali repentance. A continue sous conzonge la macambo ya sakite. Babanda yondima. Yango yo zonge la te. Est-ce qu'on est à ou dirien que pas ou bilebin? Soki o zozo ma pamboli. Kama on esha kupata baraka. Oyo bible alaka. Ile bible ile sha kula kaka. Il faut dire la Jésus Christ. Il n'a pas son moine Jésus Christ. On doit le baptiser. On va te baptiser. Comment la Jésus? Mon Dieu, la Jésus. Pour qu'on ait la Bible. Na ikufatana na Bible. Mais mingi ba juba baptême. Akini ba mingi banisha baptisé wa. Lokola nana ndeko na kambo vete. Sa vile mishkale na ndoko. Église Jésus kana amour. Ika ni sinikala na mapendo. Il faut na jo baptême. Il n'a pas son baptisé. Oza sauvete. Aona mwenye kokole. On dit baptême na mauvaise intention. Ouais, on avait baptisé baptise na mwawazo mubaya. Oh, le mot baptême, c'est un engagement de bonne conscience. Conscience, il est à bonne été. Il faut nazan ensemble. Il faut nazan ensemble. Ensemble. Il faut nazan ensemble. Il faut nazan ensemble. Il faut nazan ensemble. Il faut nazan ensemble. Il faut nazan ensemble. Il faut nazan ensemble. Ote na zaba bateme kote ya ya talemi. O mir pataka bateme kuko. Topa si blast. Tunampatia fashi. Bozi ye predikate. Asema no anakuwa. Il n'est pas même né de nouveau. Il n'est pas sauvé. Ana tamu nyoko kule. Ukomona bani kusokoza na pasteur. Unamona nansa. Abani kutia mobulu neglige. Anaza kuleta kuko. Tia beni bak. Nige ana beba baba. Alleluia. Amen. Ne chantez pas. Apana kuimba. Avant d'être né de nouveau. Mbele ya kuzalika malaika. Ne prêchez pas avant d'être né de nouveau. Mbele ya kuzalika malaika. Ne servez pas Dieu avant d'être né de Mungu mbele ya kuzalika malaika. Pour être né de nouveau. Na Dieu kuzalika malaika. Croyez au Seigneur, répandez-vous, soyez baptisés et Dieu te sauve. Quand Dieu te sauve, il te donne un don du Saint-Esprit. Anakupatia zawadi ya Roho Mtakatifu. Mais yo lobi oza sauvé don yango. Sasa wewe unasema huko mwenye kukolea. Sasa zawadi iko wapi? J'ai toujours dit que si une personne qui était bien enseignée et se répand et croit Dieu de tout son cœur avec tout ce qui on aime, lorsqu'il était baptisé, le Saint-Esprit viendra immédiatement. C'est une promesse de Dieu. Ni kosa mimi ni la malako ya Mungu. Parce que Dieu l'a promis. Kwa sababu Mungu alilaka. De le faire. Ya kuifanya. Il a promis cela. Alilaka ile. Vous recevrez le Saint-Esprit. Mutapokea Roho Mtakatifu. Wakati. La promesse est sur vous. Kwa sababu malako ni yenu. Eh bien. Sasa. Yoka frère Branham. Ushikie nduku Branham. Aujourd'hui, Léo. Si les gens ne reçoivent pas cela. Kama bantu ba pate ile. Andimi azibate me mazozo yango te. Anaamini asipate ile. Comme toi tu es là. Sawa wewe ukupale. C'est parce que ni juu cela interfère avec la vie spirituelle qu'il désire mener. Kwa sababu ile inaanza kukombanishana na ile maisha ya kiroho. La Bible dit que le monde les hommes a plus aimé les ténèbres que la lumière. Biblia inasema bantu batapenda giza. Parce que leur œuvre est mauvaise. Kwa sababu makazi yao iko mibaya. Une personne qui aime marcher dans les ténèbres. Na mtu akipenda kutembea mbaya. Faire le mal. Na kufanya vibaya. Et qui aime de mauvaises œuvres. Na anapenda makazi mibaya. Elle ne peut pas aimer le Saint-Esprit. Hawezi kupenda Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Je te donne le Saint-Esprit. Amen. Amen. Hébreux chapitre 7, première partie. Je suis au paragraphe 148. Paragraphe 148. Écoutez conseil de frère Branham. Si donc vous n'êtes chrétien que des arrondissements. Kama muko tu baba Kristo tu njia inje. À l'église. Au kanisa. Et par le fait na, d'avoir cessé telle et telle chose. Ninju asema miri hata kifulani na kifulani. Alors que le même désir est toujours en vous. Japo ile nia moyo iko ndani yenu. Vous avez besoin d'une autre immersion. Muna lazimishwa tena. C'est tout à fait vrai. Ni bia kweli. Parce que tu n'étais pas sauvé. Kwa sababu hukuokolewa. Parce que quand Dieu te sauve, il te sauve pour toujours. Tu peux commettre les erreurs. Nous connaissons ce qui est des erreurs et la vie. Les erreurs reviennent d'abord à celui qui commence à marcher bien. Mais toi, dès le départ, tu n'étais pas délivré. Alléluia. Amen. Sasa wewe kuna mchunga Yesu namna kani? Ubiki na noti. Na au ya ukolewa ta. Uzapena Saint Esprit. Sasa na yenyewe Roho Mtakatifu au na. Yeye bako yalo kola moipi. Wewe unakuya sasa yeye atakuwa sasa mwisho. Sasa utafanya. Le péché impardonnable. Eh, dhambi ya shoksa meyo. Paragraphe 203. Paragraphe 203. Bozolanda? Muona fuata. Na nina bomba da poi grigio bolinga kama musakoli troto tanga na musakoli. Na mimi napenda mikwanza mwao wa iglise hii mnapenda paka mwimu nabii nabii mimi napenda. Tazama paragraph 4, Ebedesa 4. Paragraph 4. Desa 4. Paragraph 204. Écoutez donc maintenant. Sasa mushikieni sasa. Homme et femme. Banaume na vous les hommes et les femmes. Banaume na vous m'écoutez? Mune nifuata. Mes amis et amis chrétiens, barafiki yangu na barafiki yangu ba Kristo, si la seule chose kama kitu kimoe, que vous savez, kile munajua, c'est juste venir à l'église. Ni kuya tu kukanisa. Arrêtez cela tout de suite. Mwache le mambo paka sasa. Sokyo yeba kaka na kene église. Kama wewe yase wewe. Bona kutana na ba frère. Na kene église. Na kene koyem. Na kene église. Toba mona ngai. Juba nione. Tika yangu. Acha vile bintu. Cessez de vous imaginer que vous avez raison. Asema Mungu na sharia. Si vous imaginez, kama muna wazia. Oh, eh bien, asema, hey. Je crois que je suis sauvé. Mino nasamisha kukolewa. Et que vous constatez que na muna kuna. Vous faites toujours des histoires. Asema Mungu nafanya kanya paka bintu. Yomogo lobio biki sama. Wewe mwenyewe unasema ushako. Mimi nasimozo saka na ba makambo wana. Lakini unafanya paka bile bintu bimwabi moyo. Où que vous n'êtes sans cesser de protester contre quelque chose. Wala unikalaka kusa yote kwa na bishana. Quelque chose proche en vous. Kumbi kuko kitu kimoa kiendeke ndani yako. Si vous trouvez que vous n'êtes pas en mesure de chasser l'inimitié de votre cœur. Alléluia. Amina. Bando saka mabese rana peso konse oyinai. Tangu riendaka kwa ule dada na kupatia konse unamushikia. Bando saka mabese lite yetema ukoma na kana na predikate. Depi urifanga bibaya na ubiri unamushirikia mubiri. Oh, la Bible dit l'amour corrige. Japo Biblia nasema mapendo yoyo inatengeneza. Et l'amour c'est Dieu. Na mapendo ni Mungu. Et Dieu c'est la parole. Na neno ni c'est Mungu. C'est la parole qui corrige toujours les erreurs. Ni neno ndio inatengeneza kama mkosa yoyo. Mais yo sote oyé. Batei parole. O comme ennemi na mortei. Wewe unakuya sasa ni ni kolona yeye na comme ennemi na yo. Sasa mimi na parce que je te dis la vérité. Leo mimi nakuwa adui wako tu mimi nakuonesha vya kweli. Na za kuencourager yo. Ni kuna kuencourager. Lokolo bande ennemi na ngai. Sasa hivi unakuwa adui. Continue na ngo tiko ya ya Jésus. Endelea sasa kwa tu seras jugé. Sinon, tu dois se repentir. Alléluia. Amen. Sera comme un ennemi na mubad. Sera en Christ. Dada mu Christo. A comme un ennemi na ser mususu. Anakuya tena adui na dada. Ndio natokea kwa imla. Abapo bimana kwa babesa na ngoro. Anakatala kutokea kule njoo seba shikutani naye. Ata Judas ya. Ata mwenye Judas. Aina ki Jésus, mais quand même embrassé après sa tabaise. Lakini anampatia kwa tabaise. Mais yo le kia ta Judas. Sasa wewe unampita na mwenye Judas. Akapesa sero hii. Aje anapatia mpiti. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Mungu akupea beti ako sine tausa mukosa. Anafika pana nafasi. Asali wa tunne bula hivi anageuka hivi. Anaenda kuyulamkia mwingine. Akei. Anaenda. Ende ba je yo zo sal. E ba je wana zo zo kene na lola. Na ile michezo o nende kumbingu. Se sa etre pre. Jo enye kwa kwa tayari. Sa se l'hypocrisi. Ii ni unafiki. Jezi revye bient. Yesu kuna kuya sasa hivi. Tande mo yina frelwa. Angara filo rumchukia undi. Kwa korijai. Jutu argu tenge argu korijai. Ni uzoku kako siyase ya mwati. Awichike ta au kuna auna dada na uwezo ya kuifukushi. O balobi kana na bine koma popati. Japo banasema makari yenu ishende tina. Meo ya yesa imi kologoni. Sasa wewe unafanya. Yo katoli ya mosato. Shikia sasa parapanda ya mjumbe. Aleluya. Amin. Que vous n'êtes pas en mesure de chasser l'inimitié de votre cœur. Si vous remarquez quelque chose de ce genre-là, c'est toi qui sens là-bas. Comme une femme qui a la grossesse. Et ta grossesse, c'est le péché là. L'inimitié qui est dans ton cœur. Quand tu le sens là-bas, écoutez l'homme de Kentucky ce qu'il dit. Ne vous trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est vrai. Ce que l'on nomme et va s'aimer, il la mentionnera aussi. C'est vrai. Ce qu'il faut faire, c'est la repentance. Vous dites, eh bien, je crois que j'ai le Saint-Esprit. Ah, tout le monde a le Saint-Esprit. Merci. Mais lakini, vous ne voyez pas produire le fruit de la douceur, amuone, ya de la consacration ya et de la bonté ya wema, et de la bienveillance na urema, du pardon ya buluma, ainsi de suite. Alors il est alors tant que vous se secouez ce soir. Kumbi na kwa wakati sasa ujitengeshe. Banda yondima. Tangu ya mina. Ata free ya esprit zate. Ata tunda ya roho moya ina. Yo zaka na ba free ya charne. Yo nekala pa na matunda ya kimi. Oh la chair elle ça n'héritera pas le royaume des cieux. Japo mwili na damu haitariki ufalme wa mbingu. Miso ya nende ni wese soir. Sizarike mala ya mimi pia. Haleluya. Amen. Nako kene na klasi oza nonkyo. Jua kwenda kumasoko. Nako kene na mwasala oza nonkyo. Kwenda mukai shuka na. Kene na milange oza nonkyo. Kwenda kumashamba. Nesoki balobi tokene na ndako anza. Kamba na setende kunyuma ya mungu. Malalez. Unakuwa malalez. Mais le esprit qui était à David. Na igro. Quand le dit seulement alors dans la maison de Dieu. Il était joyeux. Wakati bana muoneshe sema wewe. Mais yosoki oye. Kongana na eglise. Oza tranquite. Mais David alobi. Enseigneur ina vanda kananda ko ya nzambe. Ni mzuri ni kale nyumba ya Mungu. Oh my God, sente sui yo zana sasa, mimi. Sasa, aina ya Roho Mtakatifu loko na winiache? On nous attendons le retour du Seigneur. Oh, tukuna kutunga kuruja kwa Bwana. Et avec des choses comme ça, ça montre que nous ne sommes pas prêts. Oh, la Bible nous exige. Tenez-vous prêts. Tu es tayari. Quand vous ne savez pas quel jour le Fils de l'homme vient. Nishuku kani mwana wa Mungu atakuye. Il peut venir le soir. Mangari. Comme témoin de Marc 13, ça, à partir de verset 35, 35, il peut venir au milieu de la nuit. Il peut venir au chant du coq. Il peut venir le matin. Et il viendra comme un voleur. Retournons à 1 Thessaloniciens. Au Thessalonica wa kwanza. Au verset 2. Mustari ya pili. Vous savez bien en vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine les surprendra, comme surprendre comme les douleurs de l'enfantement, surprendre la femme enceinte. Et il ne l'échappera quoi. Mais ce qui m'a fait joie, c'est ici au verset 4. Écoutez verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas du ténèbres pour que ce jour vous surprendre comme un voleur. Vous êtes tous les enfants de la lumière et du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni du ténèbres. Ne dormons pas donc, ne dormez point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Alléluia. Amen. Et totali batonyo soba bungaki koya ya liboso ya masia na pale tuliona bango za bango za kule kuja kwa kwanza lakini bamba mbona kite mwanja toyo ezola kisa ke mesia shabota basa lakini prepara ki voyage bari tayarisha safari et na preparation voyage bayeba kite abakuimbaki dire ya voyage mukaribu bakanisa ki tanto dande ju bakoko bari wazese pengine mukaribu kwa sekreti bala nda monzot ah kwa sababu bari pesa Soyez baptisé au moment que Dieu te parle. Et toi qui es baptisé, venez chaque jour à l'église pour la croissance spirituelle. Alléluia. Pour se protéger, pour se fortifier jusqu'à le retour du Seigneur. Il viendra comme un voleur. Celui qui sera ainsi, c'est celui-là qui est prêt. Et est-ce que tu es prêt? Que je vous adresse. Es-tu prêt? Si Jésus vient prendre les élus, toi tu peux partir. Regardez la vie que tu mènes. Tu n'as pas encore crié. Tu dois croire. Mais je vois que tout le monde a écouté. Mais la maladie, ce n'est pas d'écouter. La maladie, c'est en comprenant ce que tu as écouté. Prenez Matthieu chapitre 15. Yoka biloko. Mushike bintu. Amen. Amina. Amen. Amina. Qui dit ça? Chusha. Verset 10. Yaka. Mwamba mu bien aimé. Et il a appelé à lui la foule. Sa vila rita ba kwa ke Kundi. Il lui dit, écoutez, comprenez. Yesu abengi ba yekoli. Yesu anaita ba nafunzi. Peba tebele ba tondaki. Na bantu ba mingi barakuya. Alo mi boyoka. Asema mushikie. Peba sosol. Na muelewe. Eske boyoki? Eti muna ishikie. Ba sosoli? Eske muna elewa. Soyez prêts mon frère. Muwe tayari bandu. Ki pe écouter. Unezo na. Mais tu n'as pas compris. Lakini uelewe. La maladie, ce n'est pas l'écoutant. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais le problème, vous qui écoutez, comprenez. Matthieu 13. Verset 19. Yoka Biloko. Amen. Qui dit ça? Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, nous l'écoutons ce soir. Elle ne la comprend pas. Et il ne comprenne pas. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son si cœur. Si tu ne comprends pas la parole du royaume, le diable ne laissera pas que la parole de Dieu soit dans ton cœur. Il viendra prendre cela. Parce qu'il connaît la valeur de la parole de Dieu. Oh, la parole de Dieu, c'est une semence. Il faut comprendre. Si tu ne comprends pas, il va arracher. Qui dit ça? Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Amen. Yo pendo kozana kasho penda makasi. Wendo tawa mkasho yangu. Moto no kozana degre makasi. Ah moto yako itakuwa. Yo boy nzamu. Wona mkasho. Yo pendo kozana moninga. Kisha una kataza na mwenja. Ole salete individual. Japo wokofu ni ya kila mtu. Malheur à vous les pharisiens. Ole wako e farisia yo. Vous ne voulez pas entrer. Mwa mpende kuingia. Mais vous jetez debout dans la porte. Na muko mshosho mmoja. Empêcher ceux qui entrent. C'est toi. Mkataze bale bengine bengine. Malheur. Ni weye. Ole. Luc chapitre 8 verset 18. Yoka Biro. Alléluia. Amen. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Bientôt on va partir. Qui dit ça, Biro? Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Alléluia. La Bible dit keba. Comme Jean voyait Jean-Baptiste, c'était dans la rivière où pour préparer ma première venue. Toi, William, je t'envoie avec un message qui préparera la seconde venue. Mais écoutez ce que dit Frère France. Alléluia! Lobby dimanche. Qu'est-ce que dimanche? Le collaborateur. Ça fait le monde à la lac. Olena Tunaga, vous êtes là? On a peine pas une lise à ce moment. Na banolobaka, Mita lise pas si tu ne dors pas, tu dis Kama ulale, on t'asema c'est un signal les gens qui sont dans la brousse. Ni signal. Quand vous êtes une deux. Alors c'est où? Il est vivant. Ah c'est. Il y a les autres. Amen. Il dit amen, il n'a pas écouté. On a ce moment à chercher ta vie. Il dit amen, il n'a pas compris. Hier, on a ce moment à chercher les autres. Est-ce que vous êtes là? Mon compagnon. Ah. Et? Ah, c'est ça. Ah, je vis. Dans l'être circulaire numéro 49. Mubarak. Miloko ya lola. Mushike bintu bya kumbi. Siko tezo kiti sango. Sasa tukune bishushi. Page 26. Page 26. Dieu est miséricordieux. Mungu eko wa rehema. Indulgent. Na wabuluma. Et d'une grande bonté. Na mwamure mwema mzuri. Pendant lorsque son offre de grâce n'est pas acceptée, wakati ile nema yake ni reçu, wala abaichikeyo, il devient alors aussi un Dieu en colère. Sasa pa ile wakati yeye anakuwa Mungu wa mkasirani. Qui a fait injustice pendant 2000 ans, yeye wakati alianza kuchunga kwa Israel, exposé à la persécution. Israel yeye barianza kumuteswa. Israel baboya ka Yesu. Israel alomkatalaka Yesu. Banda lelo 2000 ans bazo souffrir. Tangu pale na leo mmia na mimi. Baboya Yesu teo kwa mona makamu. Si mkatale Yesu. Njembo one za teatre. Mimi na tangu na bina bato bamu aneti na osa teatre. Mimi na chana bantu wanaona sebe mimi nafanya teatre. Ezo seka malere no. Wewe uko nacheza na unembo. Yoko ya Yesu ko regrette. Wewe kaendelea sana Yesu ta regrette. C'est la parole. Yesu na sasa ni nani? Ni foko mawa. Ni foko mawa. Alodia lingi brana me toleka Yesu. Asema yeye anaanza kumuimba. Eske brana na mimi saka. Eske Yesu analungurumia. Mesori ngiye kama lakini unampenda ukoyo kabisa utaona raha memo kufa uko sip hata kama unakufa utashikia furaha. Celle-ci n'est pas encore tout à fait fini. Hii ayaisha tu bado kabisa. Écoutez, après l'enlèvement, kisha kunyanyuliwa, lorsque le jugement de la colère de Dieu commencera, wakati hukumu ya kasirani ya Mungu itaanza, Dieu va juger ce monde. Ni kusema la grande tribulation, Mungu atahukumu, c'est frapper les incrédules. Ile mateso mkubwa ni kupika bato bacho kuamini. Après l'enlèvement, kisha kunyanyuliwa, il y aura beaucoup de croyants. Il y aura beaucoup de païens. Beaucoup de croyants. Kulipa sababu baba mpaka na mimi lakini baminifu ba mingi. Mimi ni pas prêt. Mais lakini una tayari. Être croyant et soyez baptisé du Saint-Esprit. Les musulmans sont des croyants. Les romains sont des croyants. Mais nous, nous sommes des croyants et chrétiens. Et nous avons le Christ en nous. Alléluia. Amen. Beaucoup de croyants, beaucoup. Après l'enlèvement, il y aura beaucoup de croyants qui devront passer par la grande tribulation. Et cela uniquement, ceux qui n'ont pas voulu accepter ce que Dieu fait présentement, conformément à la parole promise. Et la parole promise, c'est le message du temps de la fin. Est-ce que ta vie est un message? Ton mariage est un message? Ton mariage est un message? Ton mariage est message? Mandoa yako ni ujumbe. Ta biema est message? Mvuario yako ni ujumbe. Ta façon de prier, c'est le message? Namna yako ya kuomba ni ujumbe. Parce que le message du temps de la fin, c'est retour à l'originalité. Retour à la foi apostolique. Est-ce que toi tu es retourné? C'est frère Franck. Matthieu. Matthieu. 25. Makumi mbili na tano. Ici à Matthieu 25. Omu Matthieu makumi mbili na tano. Écoutez. Mushikien. Verset 5. Tano. Verset 5, frère. Mustari tano. Comme le poux tardé, tout s'assoupir et s'endormir. Au milieu de la nuit, on cria, voici le poux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et en achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête à entrer entrera avec l'époux. Alléluia. Amen. Soyez prêts. Mouez tayari. Bokonji ya likolo. Ekokani na basse kazo. Ah. Basse kazo, les vierges. Il y avait cinq qui étaient intelligents. Sages. Et les cinq qui étaient folles. Na bengine bali barikwa ba majimu. Mbavu. Tu veux, je prêche en français, tu ne comprends pas. À Lingala, tu ne comprends pas. Tu vas, je prêche à qui suis. Quand je parle rapidement, oh rapide, bon, lentement, vous voulez m'abréger. Non, ce n'est pas ça, frère. Alléluia. Amen. Les vierges qui étaient entrées avec les maris, c'est ceux qui étaient prêts. Bon, vous, vous êtes dans quel groupe? Et quand on dit, ceux qui étaient sages là, c'est ce qui a veillé. Ceux qui gardaient la pureté. Ceux qui gardaient l'huile. Lui, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il est toujours dans la parole de la vérité. Et c'est que quand le marié est venu, ils sont entrés. Mais Baba Zaki prête. Ce sont des folles. Ce sont des croyants comme vous. Et frère Franck dit, il y aura beaucoup de croyants qui passera au moment des tribulations. On a crié au Seigneur, mais Dieu n'a pas donné le Saint-Esprit pour aller à l'enlèvement. Il attend le jugement dernier. N'attendez pas le jugement dernier. Recevez la grâce de Dieu. Pour la transformation, nous allons au ciel. Soyez prêts, mon frère. Jésus revient bientôt. Alléluia. Amen. Quand nous prenons Luc, Luc chapitre 12, verset 45. Écoutez. Qui dit ça? Luc chapitre 12, verset 47. Le serviteur dit, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Ah, si tu es engagé par un homme, tu dois faire sa volonté. Mais ici on montre, il y avait un homme qui avait un serviteur, mais ce serviteur était méchant. Il n'a pas fait la volonté de son maître. Et ce serviteur là, il était battu par beaucoup de coups. C'est ça, nous qui a connu la vérité du message, c'est nous qui sera battu quand tu vas rester. Alléluia. Mais olingeti kala pona nini na motema mabe, olingeti kala pona nini na kindumba, olingeti kala pona nini na rankine, olingeti kala pona nini aussi batemete. Soyez prêts, Jésus revient bientôt. Alléluia. Amen. Ukoza fimbo? Ah, utapata fimbo. Ukolela na Kiswahili? Utaria Mswahili. Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo. Ukolela. Utaria. Shoki uza kasayo kolela. Kama uko akikasa utaria. Nafue, nafue. Mina kufua. Chokoza mungalo kolela. Mama kilingala utaria. Mama nakufie. Oh, mama mina. Mama kozala mokolo. Mama stakuya pali. Yake pana Yesu Kristo. Kuya kwa Yesu Kristo. Na tebi no lelo malembe. Leo mine miubiri pole pole. Pobo comprendre. Jumwe leo. Mukolana mama akosamba na ndengine. Yo mwana na ndengine. Papa na ndengine. Mama na ndengine. Pasteur na ndengine. Pasteur na yena tasamba na. Frère Branham ba yemi se ti sera juge. Ndugu Branham. Ala mimi je sera juge oui. Asema mimi tasamba. Yele sera juge oui. Yele tasamba. Oui. Paula anasema. Alleluia. Amen. Si Paulo sera juge. Kama Paulo ataudi. Son groupe. Et moi kama bake banaingie. Je serai aussi justifié parce que j'ai prêché comme un Paul. Et William Massi sera jugé. Mboïna sera jugé. Toi, tu seras jugé. Bon, avocat non, c'est Jésus-Christ. Mais bon, coopérer. Comme un niveau là, Jean Baptême. Pourquoi mon tonaïe Azok défendra mon colon. Il a défendu Daniel et Kiri. Alléluia. Il te défendra toi aussi. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit c'est lui qui sera honteux de moi. Devant les hommes. De ce monde, moi Jésus. Devant mon Père. Dans les anges du ciel. Je serai honteux de lui. Au combien à Jésus à Koyate. Mais celui qui déclarait là, publiquement, devant les hommes, moi Jésus, je te déclarais publiquement, devant les gens du ciel, et mon Père, c'est ici, ça c'est mon frère. Et publiquement, et si vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, c'est ça la christianisme. Jésus a touché à mon thème. Au long de la vie, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, c'est ça la repentance. Mais comment qu'on bande les autres à la montagne? Ce que je ce que tu as dit, il n'y a pas mon soumou qui le colla. Alléluia. Amen. Amen. Et je peux terminer. Écoutez maintenant. Dans la prédication, vous êtes avec moi? Compte à rebours. Paragraphe 120. Paragraphe 120. Puis celui qui est rebelle, homme et femme, garçon et fille, il y a différence entre un enfant et garçon et fille. Hein. Toi, tu n'es pas enfant. Toi, tu es garçon, tu es une fille. Ce matin, qui n'est pas à l'intérieur, entre écouter le compte à rebours de la parole de Dieu. Chassaké, nous sommes arrivés au bout. Que le comptage a été fait jusqu'à dernier. Et le prêtre a crié très fort, zéro, zéro. D'un moment à l'autre, le compteur de Dieu aussi est prêt. Dieu regarde son monde. Il peut venir le soir. Il peut venir au milieu de la nuit. Il peut venir au champ du corps. Il peut venir même le soir. Que sera état présent de votre âme? Profitez la repentance, arrête la colère de Dieu. Croyant en Jésus et tes péchés sera pardonné. Le compte à rebours est prêt. Dieu ne regarde pas le monde. Dieu regarde l'état qu'il a fixé. Quand l'état peut arriver, mon frère, tu ne seras pas se sauver. Alléluia. Amen. Et l'église partira. Nous voyons le message qui arrive à son terme. Nous voyons la montée de la persécution. Nous avons parlé hier soir. Nous avons l'état est proche. Le compte à rebours est terminé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Et pour terminer, écoutez maintenant. Le départ secret et soudain de l'église. Je suis paragraphe 119. Paragraphe 119. Peu importe ce que Branham et Tabernet se verraient être. Qui ne soit pas ainsi de vous. Vous. Soyez un serviteur de Christ. Peu importe ce que fait le monde ecclésiastique. Soyez un serviteur de Christ. Est-ce que vous m'écoutez? Ce n'est pas Abraham et Tabernacle. Vous devez être serviteur toujours ici à Kambo. Donc partout que vous êtes, soyez serviteur de Dieu. Alléluia. Même à l'école, soyez serviteur de Dieu. Même au bus, montrez les gens que tu as l'esprit du Seigneur. Même vous êtes où? Alléluia. Vous devez être prêts. Écoutez. C'est à vous, et tant qu'individu, qu'il incombe d'être prêt à la venue du Seigneur. Vous devez être prêt. Je dois être prêt. J'efface les traces de mes propres pas. Il vous incombe d'effacer les traces de vos pas. Laissez les miennes tranquilles. Et que moi je laisse de la vôtre tranquille. Vous devez préparer vous vos vêtements. Alléluia. Parce que quand nous prenons Apocalypse, au verset 10, chapitre 19, verset 7, écoutez, réjouissons-nous et soyons dans la régresse et donnez-lui la gloire. Mon frère, donnez Dieu la gloire. Donnez-lui la gloire, ma sœur, dans votre foyer, dans votre travail. Les gens doivent comprendre que toi, tu es chrétien. Mais regardez la façon dont tu fais les choses. Jésus revient bientôt. Soyez des panneaux publicitaires. Alléluia. Amen. Donnez-lui la gloire. Est-ce que c'est la vérité? La Bible dit, donnez-lui la gloire. Car les noces de l'agneau sont venus et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir de fêle éclatante. Car les fêles éclatantes, ce sont les œuvres justes de ces. Et Branham a confirmé cela dans la prédication. Dieu tient sa parole au paragraphe 7-9. C'est pour cette raison que je dis, si l'Église ne se prépare pas, il est de votre devoir de se préparer. L'époux se prépare, les vêtements sont payés, ils sont prêts. Alléluia. Mais vous devez être prêt à porter ces vêtements-là. L'Église se prépare. La venue du Seigneur Jésus aura dû avoir lieu il y a déjà bien longtemps. Je crois que aurait avoir lieu il y a longtemps. Mais c'est à cause de l'Église qui n'est pas prête à la rencontrer. Et Seigneur là qui a bandakal. À la voix d'archange. Alléluia. Les morts en Christ doivent ressusciter. Et nous les vivons, nous serons changés pour que nous tous nous allons au ciel pour rencontrer le Seigneur. Mon frère, voici le message de la semaine que je vous apporte. Soyez prêts. Le Seigneur viendra comme un voleur. Si vous n'êtes pas prêts, ce soir, l'occasion est là. Si tu n'as pas encore crié, croyez, soyez baptisé, et tu seras sauvé, et tes péchés seront pardonnés. Si tu as mené une vie, tu commençais bien, mais après, tu es tombé. Repentez-vous, changez la direction, et Dieu te donnera le Saint-Esprit. Voici l'occasion, je vous invite de se mettre debout. La chorale peut chanter une petite chanson, même des couplets de méditation, et nous tous, on va s'amener dans la prière. Un peu rapide, soyez prêts. Mmh. Amen.